Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 26 août. Ben, on rappelle que c'est ce soir encore à lieu le fameux match entre les Saguenay de Chicoutimi et les Cataractes de Shawinigan. Ça va se dérouler au centre sportif Benoît Lévesque de Robertval. Les 1000 billets qui ont été présentés en circulation se sont vendus en moins d'une semaine. En entrevue ce matin sur les ondes de danseport.com, le président du hockey mineur, Hugo Malter, a mentionné que tout est prêt pour cet affrontement. Non, le gros de l'ouvrage est tout fait, tout est décidé. On connaît là, dans l'aréna les emplacements, puis qui fait quoi, puis qui va aller où. Puis donc on est là, on est fin prêt à recevoir là, la visite ce soir. Ben, merci beaucoup, Hugo. Avant de s'en venir à Robertval, ben, les Saguenay de Chicoutimi disputent un match contre les Drakkars de Baie-Comeau au Centre Georges Vézina. Et c'est une victoire facile de 7 à 3 pour les Saguenayens. Dans le match, Jake Smith a marqué 2 buts en plus d'amasser une passe. Il y a Ryan Verbeek, le nouveau venu, qui a enfilé un but, une passe. Yann Plourde, Simon Monette et Marc Bronsey ont ajouté également des buts. 4 passes pour Nicolas Roy. Belle marque de reconnaissance pour Martin Demers de Saint-Félicien, qui s'est vu octroyer par le premier ministre Philippe Couillard la médaille de l'Assemblée nationale tout récemment. C'est grâce à son implication auprès du vélo de montagne depuis 1993 que Martin Demers s'est vu octroyer cet honneur. Hier, c'était la conclusion de la saison dans la Ligue de balle donnée de Robertval. Il y a eu 2 matchs et ça s'est soldé par un match décisif. D'abord, dans la première rencontre, victoire du RD Trophée contre le Zodiac par la marque de 10-7, ce qui a forcé la présentation d'un match ultime qui a été remporté par le Zodiac 14-8. Donc, le lanceur gagnant dans le premier match a été Carl Laboum, le lanceur perdant a été David Lavoie, et dans le deuxième match, le lanceur gagnant, David Lavoie, et le lanceur perdant, Carl Laboum. Au golf, Pierre-Alexandre Bédard a joué 64 pour un cumulatif de moins 8, ce qui lui a permis de prendre le 4e rang lors d'un tournoi présenté à Saint-Georges-de-Beauce. Il y a Lucas Dupéré de Dolboum-Cessny qui a joué le normal pour prendre le 53e rang. Il y a aussi Kevin Fortin-Simard qui joue présentement ce tournoi. Il fait face à la coupure aujourd'hui puisqu'il est en 59e position. On prend les 60 premiers golfeurs pour les 2 dernières journées de ce tournoi. Parlons toujours de golf. Jacqueline Marceau a remporté la victoire lors d'un tournoi féminin qui se déroulait à Port-Alfred. La golfeuse de Dolboum-Cessny a ramené une carte de 85. Et c'était le gala méritant de fin de saison de l'association de soccer de Dolboum-Cessny. Ça se déroulait mercredi soir. Donc, on va vous donner les gagnants. Meilleure équipe, c'est la classe U12, les Sharks. Au niveau féminin, c'est la meilleure formation, c'est l'équipe de U16. Meilleur athlète masculin, Olivier Bouchard dans la catégorie U16. Et du côté féminin, Mégane Tremblay a été la meilleure joueuse. Meilleur entraîneur, Patrick Tropeano chez les U16 féminins. L'officiel de l'année, c'est Jérémy Fortin-Dufour. Et le bénévole de l'année, Bianca Hood. Donc, tous ces gagnants vont aller représenter l'association de soccer de Dolboum-Cessny au gala Méritas régional. J'invite à écouter la section entrevue de danseport.com. Hier, on a parlé avec Marianne Saint-Gelais. On a parlé de l'implication de Résolu auprès de Marianne Saint-Gelais. On a également parlé avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand, et le président du club de golf de Saint-Prime, Rémi Kirkness. Sport local et régional, à danseport.com, on s'en occupe.